Ah, c'est pour ça. Parce qu'on doit pouvoir faire 400 km en 3 heures avec une voiture comme ça. Oui, facilement. Mais Marie-Claire est morte de peur si on va un peu vite. Moi, j'adore faire de la vitesse, pas vous? Oh, si, surtout sur une autoroute. Mais je dois dire que je ne tiens pas à mourir. Bah, on ne meurt qu'une fois. Revoilà Marie-Claire avec le panier à provisions. Tu vois qu'il n'est pas si grand que ça? Non, en effet. Je croyais que tu parlais de notre autre panier en osier. Tu penses bien que j'ai choisi le plus petit des deux? Fais-le-moi passer, veux-tu? Merci, Marie-Claire. Oh, j'ai failli le laisser tomber. Tenez, Guy. Merci, Paul. J'avoue que je n'aurais pas cru que mon coffre pouvait tenir tant de choses. Vous avez pris vos imperméables? Ce n'est pas la peine d'en prendre. Il va faire beau. Ah oui, si seulement il faisait beau. Vous avez entendu les prévisions météorologiques? Oui, j'ai entendu la météo à la radio. Brume matinale, et après, température de 32 et même de 35 degrés à l'ombre.